Ici Marie-Lambert Chan, rédactrice en chef du magazine Québec Science. Chères auditrices, chers auditeurs, voulez-vous jouer à un jeu? Ce jeu s'appelle « Nommer une scientifique célèbre ». En êtes-vous capable? Auriez-vous répondu par hasard Marie Curie? Avouons-le, Mme Curie mérite cette reconnaissance, mais c'est une réponse un peu facile. Seriez-vous capable de nommer plusieurs femmes scientifiques connues? Ou encore des chercheuses renommées vivantes qui font carrière actuellement? Pas facile, n'est-ce pas? La plupart des gens en sont incapables. Est-ce étonnant? Pas vraiment. Dans les domaines de la science et de la technologie, les femmes ne forment que 20 % de la main-d'œuvre. Une statistique qui stagne, car dans ces milieux d'hommes, l'égalité des chances est un concept qui n'a guère porté ses fruits. Différentes études en font d'ailleurs état. Les femmes obtiennent moins de subventions, ont des salaires plus faibles, accèdent moins aux postes de professeurs titulaires et de gestionnaires, sont moins souvent invitées comme conférencières dans des rencontres internationales, signent moins d'articles scientifiques à titre de première auteur, sont moins souvent citées, reçoivent moins de prix prestigieux. Bref, elles n'en ont pas de facile. Malgré tout, des femmes persistent et signent. Brillantes, passionnées et courageuses, elles méritent qu'on apprenne à les connaître. Et c'est ce que propose le nouveau balado 20%, coproduit par Québec Science et l'Association francophone pour le savoir, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, la Fondation L'Oréal et la radio Choc.ca. Dans une série d'entretiens, des femmes de tous horizons et de toutes disciplines discutent de leur parcours avec les journalistes Karine Mona et Chloé Frélon, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour mesdames. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Dans quelques instants, nous aurons le privilège d'écouter le premier épisode de ce balado que vous mijotez depuis maintenant plusieurs mois. Mais avant, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Moi, dans la vie professionnelle, j'ai une obsession pour les femmes en technologie puis pour leur avancement dans la société. Donc, n'importe quel projet qui peuvent contribuer à faire qu'on ait plus de femmes dans l'industrie, je dis oui, assurément. Moi, je dirais que la première raison, c'est que dans certaines disciplines, comme en biologie par exemple, les filles, on est clairement majoritaires jusqu'à la dernière étape des études, autrement dit le post-doctorat. Et là, bim, au niveau des profs, plus que 20%. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui marche pas. Et au lieu de juste constater, l'idée de ce balado, c'était un peu de passer en mode solution. Et pour ça, rien de mieux que de demander aux concernées pourquoi et comment, finalement, elles continuent en sciences ou en techno. À quoi peuvent s'attendre spécifiquement les auditrices et les auditeurs qui s'immergeront dans 20%? Les auditrices et les auditeurs vont découvrir que les femmes qu'on a interviewées n'ont pas toujours eu une carrière facile ou des études à l'université faciles, mais en fait, elles ont balayé ça du revers de la main, puis elles se sont dit « j'ai une mission à accomplir et je vais la faire et je vais faire ma carrière là-dedans malgré les embûches que je rencontre ». Advienne que pourra, finalement. Advienne que pourra. Et ce que je veux accomplir dans ma vie est plus important que les bâtons qu'on peut mettre dans les roues. Karine? Je pense qu'on peut clairement s'attendre à des rires, à des pleurs même, je pense qu'on peut le dire, des confidences, des partages de conseils, mais aussi on va voyager en Arctique, on va voyager en bus du lac Saint-Jean au Texas, on va apprendre à comment tenir un cours de philo pour que les filles puissent parler, mais aussi on va jaser de plantes médicinales et même on va entrer dans les laboratoires de la NASA, ceux qui ont analysé la dernière sonde qui a atterri sur Mars à l'automne 2018. La sous-représentation des femmes en sciences et en techno, c'est un enjeu que vous connaissez bien. Cela dit, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises de ces femmes? Est-ce que leurs confidences vous ont surprise à certains égards? Comme le disait Chloé tantôt, je pense qu'il est intéressant de voir c'est à quel point elles ont persisté, elles ont, comme tu disais, balayé du revers de la main. Ça a été assez fort de voir que ça soit une question de caractère ou une question de culture au départ ou d'entourage aussi, elles ont continué. Et alors, ce qui m'a surpris, si je devais prendre quelques exemples, je pense par exemple à Farah Alibé qui, elle, typiquement mise sur sa différence, elle fait de ses différences physiques ou même de caractère des forces. Farah travaille comme, précisons-le, comme ingénieure à la NASA. Tout à fait, exactement. Puis j'avoue que le moment où on a découvert que Joanne Liu, par exemple, présidente internationale de Médecins sans frontières, avait peut-être un désir d'enfant, puis que finalement elle a dû y renoncer par rapport à sa carrière, j'avoue que ça m'a surprise. C'est quelque chose qu'on entend à tous les jours ou presque, mais de rencontrer quelqu'un qui a dû renoncer à ce désir-là. Et qui en parle franchement, sans tabou. Ça marque, ça surprend. Moi, bien sûr, j'ai évidemment un côté activiste, sinon je ne ferais pas ce que je fais actuellement, sauf que je suis un peu plus vieille, fait que je ne vais pas crier des slogans dans la rue. Mais j'ai réalisé que ces femmes-là, elles sont activistes aussi, elles sont militantes, puis leur premier acte vient du fait d'avoir accepté de parler à nos micros, puis d'avoir raconté leur statut de femme, où elles sont toujours bien conscientes qu'elles partent avec un wagon de retard juste par leur genre, finalement. Elles ne se laissent juste pas découragées par la situation, puis elles vont quand même de l'avant. Elles ont décidé de faire partie de la solution plutôt que de subir une situation. Karine, tu viens du milieu de la science, Chloé du milieu de la techno. Avant, toutes les deux, de vous tourner vers le journalisme, chacune dans vos sphères, avez-vous eu personnellement à combattre des préjugés, qu'ils soient inconscients ou non, parce que vous étiez des femmes dans des milieux d'hommes? Oui, évidemment, les préjugés, on s'en débarrasse jamais, en fait. Il y a ceux que tu appliques aux autres, puis ceux que tu appliques à toi-même également. Puis, je ne peux pas parler au passé, parce que de toute façon, les préjugés, on les vit à tous les jours, puis ils nous habitent. Moi, quand j'étais dans ma vingtaine, que j'étais pétillante, puis que je voulais réussir... Ah, tu l'es toujours, te rassure. Réussir dans ma carrière, je trouvais que l'épreuve de la réunion avec les grands patrons était toujours un moment vraiment, vraiment stressant. J'intellectualisais beaucoup ces scènes-là. Alors, je mettais pas de vernis, je mettais pas de maquillage, je mettais pas de robe. Puis je me disais, OK, ben, si j'ai l'air moins d'une fille, je serais peut-être plus crédible à leurs yeux. Je serais considérée finalement comme un employé, puis pas comme une fille. Donc, toi-même, tu te mettais cette espèce de chape de plomb. Ouais, je pensais que c'était cette façon-là que j'allais avoir l'air plus intelligente, quelque part. Parce que j'avais... Ce qui me renvoyait, c'est que j'étais... j'étais cute. J'étais... ben oui, elle est mignonne, Chloé, là, au bout de la table. Continue de prendre des notes, s'il te plaît. On t'aime bien, mais on ne te prend pas trop au sérieux. C'est ça, exactement. C'est marrant, maintenant que tu le dis, on se moque souvent de nous en science pour notre façon de s'habiller en tant que fille, mais maintenant que tu le dis, c'est peut-être inconscient. On veut avoir moins l'air d'une fille, justement. Oui, c'est ce qu'on appelle one of the boys, dans le fond. Tout à fait. Tu veux rentrer dans le rang, ressembler aux autres, puis les autres, ce sont les hommes, fait que tu essayes de ressembler plus à un gars. Pour ma part, moi, ça a commencé dès le lycée, donc fin d'adolescence. Les premiers cours, vraiment la première année au lycée, on était seulement deux filles dans les cours de ce qu'on appelait sciences de l'ingénieur. La dernière année, on était les deux mêmes filles en mathématiques cette fois. Et clairement, le prof en ingénierie se moquait de nous. Quand on était devant l'ordi, il nous disait « Bon, les filles, ça va aller, vous allez vous en sortir. » Évidemment, il disait pas ça aux garçons. Mais ça ressemblait finalement à du sexisme ordinaire. On dirait qu'à l'époque, oui, c'était frustrant, mais ça m'avait pas plus dérangé que ça. Puis c'est surtout que j'ai grandi avec des grands-parents où les deux sont profs de maths. Donc j'avoue que j'étais vraiment biaisée positive. Je pensais pas du tout que les mathématiques étaient réservées plus aux garçons qu'aux filles. Et après, pendant la thèse, pareil, je m'auto-censurais en réunion, je pense. Clairement, on voyait dans ce qu'on appelle les lab meetings, que c'était beaucoup plus les garçons qui parlaient. Et bizarrement, dès que les garçons étaient plus là, ah ben là, on parlait toutes les filles, puis nos idées étaient pas si pires. Mais il y a vraiment de l'auto-censure. C'est pas, en soi, les gars, évidemment, ne disaient pas de nous taire, mais c'est comme inconscient, insidieux, c'est, ouais, latent. Je dois dire que... pour m'insérer dans la conversation que partage-nous ton expérience, Marie. En journalisme, même si on est de plus en plus de femmes, même dans certains beats, il y a une majorité de femmes, on sent quand même encore ce sexisme-là. Attends, je me rappelle très bien avoir entendu, alors que je faisais un stage dans un média que je ne nommerai pas, un responsable homme qui m'avait dit, ben, tu vas avoir un poste, c'est assuré. T'es une femme, une minorité visible, et il manque plus que tu sois handicapée, tu rentres sans entrevue. Waouh! Eh boy, ça manque confiance. Oui, oui. Je pense que c'était... Qu'est-ce que t'avais pensé à ce moment-là? Tu sais, tu commençais ta carrière, c'était en stage, j'imagine? Oui, j'étais en stage. J'aurais tellement aimé avoir une répartie, une réponse intelligente à fournir, mais j'étais bouche bée parce que je pense que c'était une des premières expériences de sexisme flagrant à laquelle j'étais confrontée. Ça m'a vraiment perturbée. C'est resté avec moi. Ah oui, tu nous le racontes des années plus tard. Une question revient constamment quand on parle de la faible représentation des femmes en sciences et en techno. Comment leur faire davantage de place? Comment atteindre la parité? Après avoir discuté avec ces femmes, avez-vous des idées pour y parvenir? J'imagine que vous aviez les vôtres auparavant, mais avez-vous de nouvelles inspirations? Grâce aux femmes qu'on a interrogées, moi, ce que j'ai découvert, c'est l'importance des petits gestes du quotidien auxquels j'aurais pas pensé. Il y en a une, par exemple, qui nous explique que tous les matins, les hommes se serrent la main. Et ça, j'avoue que ça m'a vraiment bluffée parce que entre hommes et femmes, les gens se serrent pas la main, entre femmes non plus. Puis ce petit contact-là, quotidien, tous les matins, ça crée, mine de rien, une notion de confiance, une notion, j'allais presque dire, de fraternité. Et dans la journée, si tu dois demander de l'aide à quelqu'un, t'auras plus tendance à penser à la personne à qui t'as serré la main. C'est des petits gestes du quotidien comme ça auxquels on n'a peut-être pas pensé mais qui ont toute une incidence. Sinon, avant ça, avant même de faire ce balado-là, c'est sûr, pour moi, ça passe par l'éducation. Donc, la mise en contact des jeunes femmes du primaire au post-doctorat, je dirais, avec des femmes scientifiques, qu'elles soient profs, chercheuses, animatrices dans des musées, aventurières dans la jungle ou derrière un ordi, peu importe. Je pense que c'est vraiment un contact, une fois, pour réaliser que c'est possible et que finalement, quelqu'un qui nous ressemble y est arrivé. Oui, l'éducation, c'est vraiment important. Puis les personnes qu'on recevait et qui étaient mères, elles nous mentionnaient qu'elles en parlaient à leurs enfants, puis encore plus si c'était des petites filles qu'elles avaient. Moi, j'ai particulièrement aimé, évidemment, les conseils concrets, comme par exemple avoir des haltes garderies pendant les événements scientifiques ou technologiques qui permettent aux parents, puis là, je dis bien parents, puis pas seulement aux mères, de venir avec leurs enfants. Puis leurs enfants, on va s'en occuper pendant qu'elles peuvent ou qu'ils peuvent aller à l'événement. Et donc, participer à faire grandir leur carrière. Oui, parce que c'est une chose, l'éducation, mais c'en est une autre. Puis souvent, on le voit, vous l'avez mentionné toutes les deux, jusqu'au post-doctorat, il y a comme un mur après où l'accès à certains postes, à des salaires plus élevés, à plus de responsabilités, forcément, il doit y avoir des forces systémiques qu'on peut combattre à l'aide de stratégies, justement, comme ces haltes garderies. C'est tout simple quand on le dit, mais c'est simple, si on n'y pense pas, si on ne le fait pas, on met des bâtons dans les roues. Oui, absolument. Ou encore, même la façon de recruter des femmes chercheuses, justement parce qu'elles vont être comparées d'égal à égal en termes académiques à un homme, sauf que si tant est qu'elles aient eu un enfant parce qu'il s'avère que c'est l'âge, le début de carrière ou biologiquement, ben, t'es plus prompt à faire des enfants, là elles vont être comparées sur un laps de temps où elles ont dû s'arrêter et les hommes non, donc là à partir de là c'est biaisé, t'as forcément moins de publications ou moins d'étudiants que t'as supervisé, peu importe, mais on peut pas les comparer sur un laps de temps. Puis côté étudiante, il y avait aussi une proposition, quelque chose qui est mis en place, c'est de permettre à ce qu'on rentre dans un cursus scolaire à n'importe quel moment, en fait, et puis pas suivre les dates précises. Ça permet que, par exemple, une femme rentre en mathématiques, même si elle n'en avait pas fait les autres années, puis ça lui permet de découvrir ça, puis de changer d'avis, dans le fond, puis de ne pas suivre la ligne qu'on lui avait tracée. De garder de la flexibilité, tout à fait. La flexibilité dans l'université, oui. Merci beaucoup toutes les deux pour cette mise en bouche. Maintenant, je vous propose de passer au premier épisode de 20%, mettant en vedette Joanne Liu, la présidente de Médecins sans frontières. Cet entretien, ainsi que tous les autres, mentionnons-le, seront disponibles dès le 11 février. Vous les retrouverez en recherchant l'émission 20% dans l'appli Apple Podcast, ainsi que sur le site de Québec Science, à l'adresse suivante québecscience.qc.ca/balado. Au pluriel. Est-ce que vous connaissez une femme scientifique? À part Marie Curie, non. Est-ce que vous pouvez me citer une femme qui travaille en technologie? Non, malheureusement, non, je pense pas, non. Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme scientifique? Non. Ouais, c'est pas étonnant. Les femmes en technologie, on n'en connaît pas vraiment. Même si elle représente 20% de l'ensemble des personnes de l'industrie. En sciences, c'est pareil. Après les études, les femmes ne représentent que 20% des scientifiques. Mais celles qui œuvrent dans ce milieu sont passionnées. Elles foncent, elles doutent, elles cherchent. Et dans ce balado, elles se livrent à nous, Chloé. Parfois à demi-mot, toujours à cœur ouvert. Ici Karine Mona, vous écoutez 20%. Ici Chloé Frelon, vous écoutez 20%. Bonjour, mon nom est Joanne Liu et je suis pédiatre urgentiste. J'aime la science jusqu'à un certain point, mais en fait, je préfère le sport et les mets chinois. J'ai pas d'animaux de compagnie et je vais être avec vous pour les prochaines quelques minutes. Aujourd'hui, dans 20%, on reçoit Joanne Liu. Le parler vrai, c'est son truc. Elle n'hésite pas à rappeler l'émission originelle de Médecins sans frontières. Elle défend les populations les plus vulnérables. Bonjour Joanne. Vous êtes née à Québec en 1965 de parents immigrés chinois, puis vous avez poursuivi vos études en pédiatrie à Montréal et à l'Université de New York. Et c'est en 96 que vous rejoignez l'organisation humanitaire Médecins sans frontières pour une première mission auprès de réfugiés maliens en Mauritanie. En 2013, vous êtes élue présidente internationale de Médecins sans frontières et vous êtes également professeure associée à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Bienvenue dans 20%. On a découvert qu'à 13 ans, vous avez lu deux livres qui ont changé votre vie, « Et la paix dans le monde docteur », qui racontait l'expérience d'un médecin de Médecins sans frontières, et « La peste » d'Albert Camus. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit « Je vais rejoindre Médecins sans frontières ». C'est vrai cette histoire ? Oui, c'est vrai cette histoire. En fait, je pense que j'étais comme toutes les bonnes adolescentes de ces années-là. J'ai eu cette espèce de crise existentielle-là quand j'avais environ 13 ans, où j'ai lu plein de livres pour pouvoir trouver une voie ou trouver un sens à la vie. Donc, j'ai lu Siddhartha de Hermann Hesse, j'ai lu Zen and the Art of Motorcycle, j'ai lu tous ces beaux livres-là, et j'ai lu, entre autres, l'histoire de ce médecin-là qui travaillait avec Médecins sans frontières en milieu de guerre, et je trouvais ça super cool. Et après ça, j'ai lu La peste de Camus, et en fait, ce qui m'avait vraiment, vraiment marqué sur ce livre-là, c'est qu'il y a le protagoniste Dr. Rieu qui, à un moment donné, se fait demander par ses pairs: mais vous, là, docteur Rieu, qui ne croyez en rien, même pas en Dieu, comment vous faites pour continuer à travailler quand vous n'avez rien à offrir à vos patients? Pas de médicaments, pas de traitements, et tous, ils meurent. Et puis, il avait répondu: je me suis jamais habitué à la mort, je n'en sais pas plus. Et je me rappelle que ça m'avait profondément marqué, puis je m'étais dit, moi, toute ma vie, je ne me permettrai pas de m'habituer à la mort. Ça part une carrière assez forte lorsque la volonté, c'est de ne pas laisser les gens mourir. Dans le fond, c'était ça? Ben, ce n'est pas de laisser les gens mourir, mais c'est surtout de ne pas banaliser la mort. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez choquant. Si vous regardez un bulletin de nouvelles, par exemple, et qu'on va vous dire, avec l'ouragan Michael, 6 personnes ont perdu la vie. On raconte pas leur histoire, à peine on les dépeint comme des humains, mais on donne des chiffres de gens décédés, des chiffres de gens qui sont blessés. La même chose quand on parle de la Syrie, la même chose quand on parle du Yémen. Moi, je pense que c'est important d'humaniser les crises aujourd'hui et de pas dire il y a quelques milliers de personnes qui traversent la Méditerranée à chaque année, et cette année, 1700 personnes ont perdu la vie pendant la traversée. Ça veut rien dire aux gens, mais si on dit c'est une maman de Syrie qui avait 3 enfants et qu'elle a fui les bombardements, accrochée sur elle, elle avait son fils de 2 ans, puis ils sont morts noyés. C'est quand même un peu différent comme histoire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une mission sur le terrain qui vous a particulièrement marqué dans votre vie? Oui, les gens posent souvent ces questions-là, et je crois que chaque mission est très, très, très unique. C'est sûrement difficile à dire. C'est sûr qu'il y a des endroits que je suis retournée à plusieurs reprises, notamment à la République démocratique du Congo. J'étais en charge des opérations quand j'étais à Paris pour ce pays-là, et j'ai fait plus d'une douzaine de visites et de missions dans ce pays-là. Moi, ce qui m'impressionne des Congolais, c'est vraiment leur force de vivre. Et le fait que, malgré tout l'adversité, ben, ils continuent. Et je me rappelle une fois, c'était dans le Nord Kivu, et ça allait mal. Et on était dans un petit bled, et on a dû quitter parce qu'on allait se faire attaquer. Et donc, on est parti, une partie du personnel international. On avait laissé le personnel congolais. On avait dit, vous devez partir. Puis les gens ont dit, non, on veut rester. Et on veut rester jusqu'à la dernière minute. Et je me rappelle, Nicobert m'appelle, un de nos infirmiers, le lendemain après qu'on soit parti. Et il dit, Maman Joanne. Et il dit, il nous attaque. Mais j'ai dit, mais barre-toi. Puis après ça, la ligne est coupée. Et donc, pendant 24 heures, je me suis fait du mauvais sang. Et le lendemain, il m'appelle et dit, ah là, maman Joanne, il faut revenir. Il n'y a plus de fèves rouges pour nourrir les enfants. Et ça, c'est je trouve que cette anecdote-là résume bien les gens avec qui j'ai travaillé au Congo. C'est ce que j'appelle le spring back. Des gens qui passent à travers des trucs extrêmement difficiles, et puis après ça, bing, ils réapparaissent et puis sont aussi confiants, aussi enthousiastes, ils veulent continuer à faire le boulot. Donc pour ça, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les Congolais et d'où je pense qu'on doit admirer aussi le Congo. Encore plus récemment avec Dr Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix pour tout sa contribution auprès des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et pour avoir été le grand réparateur des femmes. La plupart des désagréments que vive quelqu'un au travail, c'est la cafetière qui est brisée ou un collègue qui n'est pas très sympathique. Vous, c'était plutôt éviter les bombes puis essayer de rester en vie. Comment on travaille dans des conditions comme ça? Je veux dire, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'humain s'adapte à tout. Et donc, on s'adapte à travailler en région de conflit, comme les Syriens se sont habitués à vivre sous les bombardements et comme les Yéménites aussi, comme les Sud-Soudanais. On s'habitue, on apprend à être, les Anglais diraient « street savvy ». On apprend à connaître notre environnement, à lire les signaux avant-coureurs de pics de violence ou d'attaques. Des fois, ça nous arrive aussi de pas voir tous les signaux. Je crois que ce qui nous permet de continuer, c'est quand même le fait qu'on est dans la matrice de la vie, en fait. Dans le sens que on pose des gestes, et c'est des gestes qu'il y a tous les jours. Les médecins, les infirmières, les logisticiens, ça fait une différence dans la vie des gens autour d'eux, de façon très, très concrète. Un logisticien, il va creuser un puits, ça va apporter de l'eau. Un médecin va faire un geste, donner le bon médicament, ou le chirurgien va réduire une fracture. Ça va changer la vie des gens. Mais c'est toujours dans, ce lien très, très fort avec la différence qu'on fait dans la vie des gens dans un contexte qui est toujours incertain. Puis ça, malgré le fait que ça fait des années que vous travaillez à Médecins sans frontières et que vous avez plus un poste de gestionnaire, vous gardez encore ça en tête, l'impact que vous avez sur les gens? Ah oui, à tous les jours. Tous les jours, à tous les heures. Moi, ce qui me permet de passer à travers des réunions incroyablement longues et des fois, on pourrait dire quasiment stériles de propos, c'est le fait que je me dis, moi je me bats parce que je veux m'assurer qu'aujourd'hui au Congo, les gens au Nord Kivu qui sont atteints de l'Ebola, on va pouvoir leur donner les thérapeutiques puis possiblement faire une différence dans le dénouement de cette maladie-là. C'est quand même extraordinaire qu'en 2014-2015, il y a eu 28 000 personnes d'infectées, 11 000 personnes ont perdu la vie. Puis à ce moment-là, on n'avait rien à proposer. Puis aujourd'hui, quelques années plus tard, on se retrouve avec 5 candidats thérapeutiques possibles qu'on peut offrir aux gens. Il faut juste s'entendre comment on va les utiliser. Quand on se rend compte de la différence et le chemin parcouru, on passe à travers une réunion qui peut être un peu aride. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir présidente de Médecins sans frontières et plus seulement une Médecins sans frontières? Moi, c'était le désir profond de s'assurer que Médecins sans frontières, qui aujourd'hui est devenue une organisation qui a présentement plus de 45 000 travailleurs internationaux et nationaux. On travaille dans 71 pays. Et dans cette croissance-là, qui est un peu fantastique à quelque part, c'était s'assurer que le patient, les communautés restent au cœur de nos prises de décision. Et j'ai juste m'assuré qu'on perdait pas de vue l'essence de pourquoi on existe, c'est que c'est apporter des secours aux gens en détresse dans des contextes de crise, soit secondaires à des catastrophes naturelles, des conflits ou de marginalisation. On voit que le terrain, ça vous fait vibrer quand même. Est-ce que vous avez la chance d'y retourner sur le terrain? Ah, moi, je retourne sur le terrain tout le temps. J'essaie de faire encore des missions comme médecin. Ça, c'est un petit peu difficile, mais j'en ai fait quelques-unes pendant mon mandat comme présidente internationale. Aussitôt que je peux fuir les meetings, je suis sur le terrain. Parce qu'une grande partie de mon travail, c'est oui, au niveau interne de l'organisation, c'est garder la cohésion entre nous tous. Puis au niveau externe, il y a de la représentation, mais il y a beaucoup aussi de la diplomatie à rencontrer les interlocuteurs sur place, puis d'expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et s'assurer que il y a quand même une compréhension commune de la pertinence de nos opérations. J'ai quand même été vraiment surprise d'apprendre que vous pratiquiez encore à l'hôpital Sainte-Justine, malgré la charge de travail incroyable que vous devez avoir. Faut quand même mettre un bémol là-dessus. En fait, j'ai demandé mes privilèges de pratique en Suisse. J'ai rêvé que j'étais pour faire des chiffres régulièrement à l'urgence là-bas. J'en ai fait très, très peu. Mais j'essaie d'y aller. J'ai même pris un appartement à côté de l'hôpital. J'avais tellement d'intention de faire ça. Puis ici à Sainte-Justine, c'est que je reviens dans le temps des fêtes et puis je viens faire des chiffres à l'urgence. Donc, j'en fais pas souvent. Et donc, la dernière fois, j'étais, vu que ça faisait un petit moment, j'ai dit, je pratiquerai pas moi comme urgentiste, mais j'ai travaillé sous la supervision de mes collègues. Donc, j'ai fait un peu la super résidente. Là. J'ai vu des patients. C'est ça que j'ai fait à Noël dernier, par exemple. Qu'est-ce que vous feriez comme métier si vous ne travailliez pas chez Médecins sans frontières? Qu'est-ce que je ferais si je n'étais pas à Médecins sans frontières? C'est assez un petit peu difficile parce que c'était mon rêve d'adolescence et c'était ce que je voulais faire. Mais si j'avais à choisir autre chose aujourd'hui, je pense que je serais en droit. Parce que j'aimerais pouvoir articuler des propos de façon plus cohérente, mieux déclinée pour les gens qui sont dans le besoin et pour s'assurer aussi qu'on dérive pas par rapport à certains engagements, notamment le droit international humanitaire, notamment la Convention des réfugiés de 1951. Donc moi, c'est des choses qui aujourd'hui j'aimerais pouvoir s'assurer qu'on perd pas ça à travers l'égoïsme rampant qui s'installe un peu partout. Qu'est-ce que pensent vos parents de votre travail? Moi, mon père, quand il me voit, ma mère est décédée, mon père me dit souvent « Quand est-ce que tu vas avoir une vraie job? » Donc, c'est un petit peu la déception parce que c'est pas le médecin qui a une super grosse clinique, qui fait des super gros sous. Donc, ouais, une certaine déception. Ben, c'est correct, là, il va s'en remettre. Mais si c'était un rêve d'adolescente, ils y étaient préparés? Et je disais, il faut quand même se rendre compte que mes parents, c'était des gens qui ont émigré ici. Pour eux, ce qui était important, c'est qu'on ait un succès professionnel et qu'on soit autonome. Et pour eux, ça se traduit par une espèce de confort financier. Donc, Médecins sans frontières rapporte pas vraiment ça auprès de ses travailleurs. Pour mon père, il trouve ça un peu ahurissant, en fait. Lorsque vous êtes sur le terrain, est-ce que vous pensez que ça fait une différence, le fait que vous soyez une femme par rapport à un homme? Ça dépend des circonstances. Moi, je pense que si l'être humain vit en pleine conscience, je pense que le sexe, ça devient quand même assez secondaire. C'est sûr qu'il y a des circonstances qui sont plus difficiles pour une femme dans certains pays où souvent les interlocuteurs sont de sexe masculin. Cela dit, moi, j'ai trouvé, comme par exemple, moi, j'étais en charge des opérations en Afghanistan. Souvent, ça a été quand même une force d'être une femme, même un atout, parce que ça les déstabilise tellement. Ça permet d'ouvrir la porte, en fait. C'est ça? Ouais. C'est déstabilisant. Et donc, la déstabilisation est quand même, je vous dirais, en temps de négociation, un atout assez majeur. Dans vos premières années de pratique, ça a été quoi la stratégie pour pas être vue avant tout comme une femme médecin, mais une médecin à part entière? Je pense que un lien thérapeutique se fait si on est capable de créer une certaine confiance. Donc, quand t'es jeune femme et que t'as l'air d'avoir 12 ans, ça fait quand même un challenge de plus, un défi de plus. Et c'est vrai que régulièrement, quand moi j'ai commencé à pratiquer comme jeune patron, si j'avais un étudiant de sexe masculin avec moi, les parents s'adressaient automatiquement à l'étudiant ou au résident. Ça l'a dit, pour moi, c'était... Honnêtement, là, je veux dire, faut quand même être clair. Mon plus gros problème, c'était pas du tout d'être femme, hein. C'était plutôt d'être une minorité visible. Donc ça, c'est vachement plus challengeant comme problématique. Comment vous savez que c'était le fait d'être une minorité visible et pas une femme? Ah, parce que les gens me regardaient. Ils me le disaient, c'était une Chintok, une Chinoise. Voyons, depuis que je suis toute petite, qu'on me dit ça. On me dit pas que je suis une femme, on me dit pas que je suis une petite fille. Puis, est-ce que vous pensez que quand vous avez été nommée à la tête de Médecins sans frontières, c'est un signal qu'on a envoyé de mettre à la tête de l'organisme une femme asiatique? C'est sûr que c'est venu à un moment, en tout cas, à quelque part, jusqu'à un certain point, ça arrangeait d'avoir une minorité visible femme. Puis ça, vous le saviez? C'est des règles non dites, mais on voit, c'est l'évolution quand même. Aujourd'hui, si on regarde, je sais pas, les grandes fondations ou les organisations... Ça s'est extrêmement diversifié dans la dernière décennie. Est-ce que ça s'est vraiment diversifié ou en façade, ça s'est diversifié? Moi, je connais juste la façade des autres organisations, donc je peux vous aller leur demander. mais nous, c'est clair que c'est en train de se faire. On n'a pas du tout la parité au niveau, notamment au niveau des positions de leadership, au niveau de la visibilité. Je disais, moi, je vais voir des conseils d'administration, notamment dans certains pays, puis tous les gens, ils sont caucasiens. Chez nous, on a différents chapitres de Médecins sans frontières. Puis si on prend, par exemple, MSF France, ils ont que des Blancs dans leur conseil d'administration. Donc, c'est notoire. Tu t'arrives, tu dis... c'est quand même étonnant, Médecins sans frontières, on travaille dans 71 pays, 60% de nos opérations sont en Afrique. Et tu dis, il n'y a pas une personne qui est minorité visible ou d'origine africaine sous le conseil d'administration. C'est notoire. Si vous aviez été un homme, comment cela aurait été différent? Moi, je pense que si j'avais été un homme, probablement j'aurais des enfants. Et je pense que c'est la dure réalité. Ça va probablement changer les prochaines générations. Mais moi, j'ai passé mes plus grandes années, quand j'étais dans une période où j'aurais pu enfanter, ben, j'étais sur des zones de guerre. Et tu fais pas des enfants quand tu vas travailler sur des zones de guerre. En tout cas, moi, c'était deux choses qui se mettaient pas ensemble. Et que là, maintenant, qui atteint l'âge de la sagesse, ben, je pourrais, si j'étais un mec, probablement me trouver une jeune femme qui pourrait porter mes enfants. Et puis voilà, ça se ferait. Comme plein de mes collègues masculins font. C'est quand même quelque chose. Et pourquoi je le dis? Avant, je le disais pas, mais maintenant, je le dis parce que je me suis rendu compte que ça impactait comment je me projetais dans le futur, de pas avoir d'enfants. Et que je crois que je l'avais pas calculé quand j'avais 30 ans, 35 ans, peut-être début quarantaine. Et qu'aujourd'hui, c'est clair que je me projette pas du tout pareil si je me compare à mes amis, à mes proches qui ont des enfants dans le futur. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. À quoi ça ressemblerait le monde s'il y avait autant de femmes que d'hommes dans ces métiers-là où elles sont sous-représentées? Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'est-ce que ça changerait. Mais c'est sûr que quand on regarde certaines expériences, notamment avec tout ce qui s'est passé avec le mouvement hashtag MeToo, hashtag balance ton port, hashtag balance ton humanitaire, c'est clair que si dans des postes de leadership, on avait eu auparavant une parité au niveau du genre, on n'aurait peut-être pas arrivé à des dynamiques comme on a vu, qui étaient de l'acquis par rapport à certains comportements qui sont absolument inadmissibles, mais que les gens faisaient « Oh, il est comme ça ». Donc, il y aurait eu des gens et il y aurait eu probablement une fraction ou une proportion importante pour dire « Hey, ça a crissement pas de bon sens, là ». Et donc, c'est ça que ça fait par rapport quand une masse critique de gens qui peuvent dire quelque chose. Moi, je crois que l'humain abuse quand il peut abuser. Puis je finirai avec une anecdote parce que moi, j'étais une personne qui a travaillé pour la réponse aux violences sexuelles en zone de conflit. Et dans les années 1990, on n'avait pas de ce qu'on appelle la prise en charge des violences sexuelles de façon compréhensive. En fait, si on allait dans des endroits, on faisait pas vraiment grand-chose. Et pendant la guerre du Congo, Congo-Brazzaville, on a eu beaucoup de femmes qui ont été violées en 1998-1999, à un point tel que quand les gens rentraient de la zone où ils s'étaient cachés pendant 6 mois, qui était la zone du pôle, et qui rentraient sur la capitale Brazzaville, ils rentraient via un corridor humanitaire. Et quasiment toutes les femmes s'étaient fait violer, et 30% c'était des gang rapes, je me rappelle bien. À un point tel que dans le site où est-ce qu'on les accueillait, on avait mis une pancarte qui disait « Femmes violées à droite ». Et je me rappelle d'avoir dit « Il faut prendre soin de ces femmes-là », d'être retournée au conseil d'administration en France puis de dire « On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas ». Mais dans le temps, il faut se rappeler que la réponse dans les zones de conflit, on faisait ce qu'on appelle du « life-saving medicine », donc sauver des vies. Et je m'étais fait répondre « Mais Joanne, on meurt pas d'un viol ». Et là, j'ai dit, oh my God, watch-moi bien aller. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible, on va s'en occuper. Puis aussi, on va permettre l'accès aux avortements. On a été un paquet qui ont financé de leur propre poche des arrêts de grossesse. On a créé la réponse compréhensive, ce qui veut dire soutien santé mentale, certificat de violence sexuelle, traitement des maladies transmises sexuellement, pilules du lendemain et les antirétroviraux pour empêcher la conversion. Parce que dans ce temps-là, on savait que les rebelles étaient à 30% séropositifs. Et donc, si tu avais eu un gang rape, tes chances de contracter le VIH étaient énormes. Et je crois que si, dans ce temps-là, bien avant mon temps, il y avait eu plus de femmes en situation de leadership, probablement qu'on aurait aussi voulu le faire. C'est des trucs comme ça que peut-être que oui, il y aurait une différence parce qu'on a une sensibilité différente. Puis on dit, ça n'a vraiment pas de bon sens. Cela dit, on a parlé de Denis Mukwege, qui est un homme et qui était un des plus grands défendeurs des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc c'est pour ça que moi, je pense pas que c'est noir et blanc. Mais c'est vrai que je crois que chacun a des sensibilités. Merci beaucoup, Jeanne-Louis, d'avoir participé au podcast 20%. On rappelle que vous êtes présidente internationale de l'organisme Médecins sans frontières. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était 20%, une coproduction du magazine Québec Science et l'ACFAS, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO et la Fondation L'Oréal. À la réalisation et à la recherche, Karine Mona et Chloé Frélon. Au montage, Karine Mona. Musique et mixage, David Lavesse. Et on remercie choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, pour les studios. Vous aimez 20%? Dites-le nous sur Apple Podcasts. Nous aimons beaucoup les étoiles, surtout lorsqu'elles sont au nombre de 5. C'était le premier épisode de 20% avec la fascinante Joanne Liu, pédiatre urgentiste et présidente de Médecins sans frontières. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner dès maintenant à l'émission 20%, disponible sur Apple Podcasts. Les premiers épisodes seront disponibles dès le 11 février. Vous pourrez également les retrouver sur le site du magazine Québec Science à l'adresse suivante québecscience.qc.ca/balado au pluriel. Et si vous aimez ce que vous entendez, dites-le nous en nous donnant une cote de 5 étoiles. On vous en sera éternellement reconnaissant. À bientôt.